À l'occasion du jour anniversaire de la libération de la Corée, l'Association de collaboration des Coréens en Allemagne et le Comité régional européen de la direction d'outre-mer de l'Alliance pan-nationale pour la rééducation de la patrie ont lancé en commun une déclaration le 15 courant. Ils ont réclamé le retrait du régime servile pro-américain et l'application parfaite de la déclaration commune du 15 juin et de la déclaration du 4 octobre pour prévenir la guerre et défendre le sort de la patrie et de la nation.